Cet objet est un tamis fait maison. Son châssis a été réalisé au Fab Lab du Shaddock, le AV Lab, et son écran a été acheté dans un magasin spécialisé. Le tamis a été utilisé pour filtrer le liquide d'ortie écrasée, en fait, pour filtrer la pulpe afin de réaliser du papier.